Audiomatique. Thank you. amorcer la transmission 4-4-2 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe canadien Delirium. De son 15e album intitulé Signs et paru le 10 mars 2023, nous entendions la pièce instrumentale The Astronomer. Nous allons maintenant écouter une pièce du nouvel album du duo Tangent. Cet album a été composé durant le confinement pandémique et puisque les deux membres du groupe se sont retrouvés isolés chacun chez soi, ils ont décidé de composer une série de pièces en solo, ce qui donne l'album Presence Reverts to Absence, paru en vinyle et dont la face A a été composée par Robert Koch et la face B par Ralph von Reichendamm. De cet album, nous allons maintenant entendre la pièce Contained Singularity. Nous venons d'écouter Martin Non-Static avec sa pièce Hidden Death, exclusive à la compilation Isolated, produite par l'étiquette de disque Ultimate Records. Et auparavant, c'était le projet Tangent et la pièce Contained Singularity de l'album Presence Reverts to Absence, paru le 14 avril dernier. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste canadienne Feist. Fingers as a way to Il s'agissait à Audiomatic de la formation anglaise Daughter, de son troisième album Stereo Mind Game, lancé le 7 avril 2023. Nous entendions la chanson Future Lover. Précédemment à Daughter, nous avions droit au projet suédois Fever Ray, mené par Karin Dreyer, qui faisait partie du duo The Knife. Du troisième album de son projet solo Fever Ray, intitulé Radical Romantics et paru le 10 mars 2023, nous vous avons présenté la chanson Tapping Fingers. Et pour débuter ce bloc musical, c'était l'artiste canadienne Feist et sa composition I Took All of My Rings, tirée de son sixième album Multitude, sorti le 14 avril 2023. Audiomatic se poursuit maintenant sur une pièce de la formation The Orb. Oh, So even though we face difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. just... I don't know if I was high or if it was just... I don't know if I was high or if it was just... The living simplicity of an angel visiting planet Earth. If I told you I'm from outer space, you wouldn't want to believe a word I said, would you? Why should you? You've lost your way. You should have nothing to say. You've lost your celestial rights. You can't go to Jupiter. You can't even go to Mars. You can't go to any other of the planets and out in the stars. You lost your heavenly rights. You're chained and bound to planet Earth. You're a children of the sun. Children of the sun. Each and every one. As a child of the sun, you're a children of the sun, children of the sun, each and every one, as a child of the sun, children of the sun, children of the sun, each and every one, as a child of the sun, each and every one, as a child of the sun, you're a children of the sun, children of the sun, each and every one, as a child of the sun. Audiomatique, nous venons d'écouter l'ensemble vocal relié à la Sonora Orchestra qui nous interprétait la pièce The Living Myth. Celle-ci peut se trouver notamment sur l'anthologie The Space Age is Here to Stay, qui regroupe une série de compositions de l'orchestre vocal mené par le pianiste Sonra. Et avant cela, nous entendions The Orb et la pièce Outlands, enregistrée en concert à Glastonbury, en Angleterre, en 1993. Cette pièce se retrouve sur l'album double intitulé tout simplement Live 93. En conclusion de cette transmission 4-4-2 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe américain Magic Wands. Du single pour la pièce Joy, nous écouterons la version remixée par Star Gods intitulée All the Joy, Star Gods Remix. Mentionnons que la version originale de la chanson Joy paraîtra sur le 5e album de Magic Wands, qui portera le titre de Switch et qui devrait paraître le 12 mai 2023. La prochaine transmission d'Audiomatique numérotée 443 sera réalisée par les sonoristes mercredi prochain dès 17h. Entre-temps, rendez-vous dans les univers numériques en consultant notamment notre profil facebook.com/audiomatique-cfou afin d'accéder à nos archives et écouter ou réécouter nos anciennes transmissions. Voici donc Magic Wands et la chanson All the Joy, Star Gods Remix. C'était Audiomatique avec les sonoristes.